12-6, observation, impatience. Vous pouvez dire à quelqu'un qui vous ennuie, tu m'ennuies. Est-ce que tu peux être embêtant? Est-ce que tu peux être agaçante? Arrête! Ça suffit! Ça suffit comme ça! Occupe-toi de tes affaires.